Commencez à fixer un point, peu importe lequel. L'hypnose a quelque chose qui tient du recueillement, c'est-à-dire que on s'abstrait au fur et à mesure de l'extérieur et on rentre à l'intérieur de soi-même, littéralement. Donc au départ, ce sont les sensations du corps qui deviennent plus précises et puis ensuite, on va encore plus loin que ça, on décroche encore davantage et on rentre en quelque sorte dans son imaginaire, dans son inconscient. Et vous le verrez, c'est l'intérêt de répéter les séances de soir en soir, par exemple. On apprend à entrer dans une transe de plus en plus profonde avec la pratique et le contrôle, le contact en quelque sorte qu'on a avec son inconscient devient de plus en plus facile. Mais aujourd'hui, pour cette hypnose qui est en train de débuter, vous n'avez pas le moindre effort à faire, simplement à vous laisser porter par ma voix. Et puis, quand les yeux auront envie de se fermer, eh bien, vous entrerez dans une transe agréable, aussi simplement que cela. Et les moments où vous allez déconnecter, décrocher, oublier des phrases, des mots, c'est normal. C'est le signe justement que vous lâchez prise et que vous commencez à entrer en transe aussi. Donc les pensées s'accrochent et se décrochent en quelque sorte. Et puis dans le décompte progressif de 5 à 1, le moment où vous fermerez les yeux n'a pas d'importance, si ce n'est qu'avec une pratique quotidienne. Vous fermerez les yeux de plus en plus tôt jusqu'à être capable de faire de l'auto-hypnose. Et ça, c'est un super pouvoir très sympathique. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, peut-être encore. Ma voix, elle, qui va se préciser en vous pour vous guider. Et puis, simplement, le fait de se poser comme ça, c'est ma voix, de prendre ne serait-ce qu'un temps pour soi, un temps pour rêver. Ces moments si précieux et qu'on a tendance à perdre. Eh bien, rien que ça, cela commence à mettre en place un processus d'intériorisation typique de l'hypnose. C'est l'hypnose, cette intériorisation. Et ça se traduit par des choses très simples, comme une respiration. Le corps plus précise. Toi-même. De la même manière que tout à l'heure, on va faire un voyage dans le monde du silence, un voyage sous-marin, un voyage dans l'intériorité, mais aussi un voyage dans une ville merveilleuse sous-marine, une sorte d'Atlantide en quelque sorte. Eh bien, de la même manière, vous dirigez vous aussi vers l'intérieur, vers conscient. Mais tout cela se passe à son rythme et ça se traduit au début d'abord par des choses très simples. Ce sont les sensations du corps qui sont plus précises, ne serait-ce que par exemple, le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Mais pour accompagner ce mouvement, rien de tel que la respiration, qui est la boussole de nos émotions, l'expression de nos émotions. Alors prenez deux inspirations profondes, comme si vous apprêtiez à plonger littéralement dans les rêves, à plonger sous l'eau, à la découverte de choses merveilleuses. L'inspiration s'approfondir toute seule. Pensée s'accroche et se décroche. S'accroche et se décroche. Votre respiration, elle, devient plus profonde, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais, en vous, qui correspond globalement à cette impression de se centrer, de se poser, de découvrir sa propre intériorité, de s'abstraire de la furie du monde, pour être en contact avec soi-même, dans un état de bien-être, de changement, et vous sentez cette progression du corps. Le corps se relaxe pour laisser l'esprit entrer de plus en plus en transe. 4. Dans le rêve, les bienfaits se font parfaitement toutes seules. On oublie souvent même qui on est. Dans l'hypnose, les sensations, les expériences aussi s'installent toutes seules, portées par l'inconscient. Mais on garde toujours un fil relié à soi-même. Et on ne se perd pas comme on peut se perdre dans les rêves. Dans l'hypnose, on est toujours en sécurité, tenu par ce fil qui vous relie à vous-même et par la voix qui est aussi un autre fil qui vous maintient dans un état de bien-être, de sécurité presque parfait. Très bien, comme ça. Et vous voyez, c'est naturel que le corps soit un peu plus lourd, les bras, les jambes, la respiration plus lourde, plus profonde. C'est normal que tout cela se fasse tout seul et que l'esprit s'en trouve allégé déjà dans cette sensation proche de la rêverie. J'aime tellement cette expression anglaise « daydream », un rêve de jour. On devrait accorder plus d'importance à nos rêves de jour. Lourdeur de la transe lourde, calme, de plus en plus profonde. Et aussi, le poids du corps sur le lit, le fauteuil, peu importe. Celui-ci solidement ancré sur le sol et on continue simplement à se détacher du quotidien dans ce voyage, le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre, et on va encore plus loin en pensée, en image et en rêve. La terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers, et l'univers solidement ancré dans le temps, tandis que vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et si on ne sait pas à quoi servent exactement les rêves, si ce n'est peut-être à inspirer nos journées, à nous apporter un divertissement, un refuge, le plus souvent heureux, malgré tout. Eh bien, libre à soi d'imaginer leur utilité. Moi, j'imagine qu'ils servent à échapper au déterminisme de nos existences. On ne mène qu'une vie, on n'a qu'un corps, on est collé au sol par la gravité. Et dans le rêve, on s'affranchit de tout, on est libre, on peut devenir tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire. On peut exister ou ne pas exister, on peut devenir autre, animal, esprit, autre personne. On peut être simplement une observation et on peut vivre des choses impossibles. On échappe même au déterminisme et aux lois de la réalité. Alors pour moi, les rêves, tout comme l'hypnose, c'est une liberté accordée à l'esprit pour rêver hors des frontières de nos vies et ainsi ensemencer de la plus belle des manières avec des graines de liberté et de créativité nos vies. Vous êtes une rêveuse. Et cela veut dire qu'en vous existent des mondes infinis, existent, eh bien, le talent d'un artiste et d'un créateur. Puis, l'hypnose aussi vous aidera à aller dans ce sens. Alors, on connaît tous cette histoire du penseur chinois qui rêve qu'il est un papillon et Le papillon rêve qu'il est un penseur, ne sait plus s'il est penseur ou papillon. Là où se trouve le rêve, la réalité, le rêve ayant autant de goût que le réel et la réalité ayant presque parfois le goût du rêve. Alors, dans ces allers-retours entre les pensées, la perception de la quotidienneté, et puis aussi ce moment du rêve, et ce n'est pas parce que on y accorde moins d'importance et qu'on les oublie qu'il n'a pas justement un vrai sens, une vraie utilité cachée, eh bien, vous entrez plus en transe. Et j'aime à penser que l'hypnose dans laquelle vous entrez de plus en plus, esprit éveillé, on parle parfois d'accompagnement, de rêve éveillé pour décrire l'hypnose. On utilise souvent cette comparaison avec le rêve ou le sommeil. Mais entre ce que la pensée considère comme étant l'expression du conscient, de l'inconscient, du préconscient, de la variété, de la réception, du ressenti aussi, mais également de la variabilité avec laquelle se développe, se croise et aussi se rejoignent. Et les perceptions, et la réalité, et l'expérience, et les rêves, comme finalement une sorte de narration, d'histoire intérieure. On recrée son réel. On le fait certainement tout le temps, mais là, on le recrée avec plus de liberté en s'affranchissant de toutes les règles. Vous entrez plus en transe, encore plus en transe. Deux. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. 1. Pas déjà fermé, simplement pour accueillir la transe, une transe douce, agréablement profonde, avant cela que l'inconscient, de sa palette d'artiste, mieux que ça, de sa palette presque de guérisseur, puisque c'est avec des expériences qu'il vous fait vivre, qu'il vous permet de travailler sur vous-même. En cela que les expériences que vous allez vivre sous hypnose vont vous toucher davantage et vous transformer, vous rapprocher de ce que vous êtes réellement, de vos souhaits, de vos intentions, surtout aussi vous détendre, vous endormir et créer avant les rêves de la nuit les plus beaux rêves hypnotiques possibles. Alors, dans cette manière de se dire, de se voir, de se percevoir aussi, dans cette infinie mutabilité dans ce que l'on appelle, dans ce qu'on appelle aussi, et dans cette croyance fréquente dans les peuples premiers, l'idée du temps du rêve, d'un temps avant le temps figé, un temps où les hommes pouvaient se transformer en dieux, en animaux. Les animaux parlaient, où tout pouvait se transformer en tout et où la magie était la norme. Avant ce moment où tout se figea pour devenir le monde tel que nous le connaissons, et encore plus en transe, tout simplement. J'aimerais que votre esprit inconscient ait des symboles pour approfondir la transe. Vous la connaissez. Vous la connaissez, c'est l'image d'un escalier que l'on descend. Et en bas de cet escalier, il y a une porte. Cette porte, elle est encore fermée, mais elle donnera sur la plus belle des plages et sur le plus beau rêve que vous ayez jamais fait. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et vous allez descendre, marche après marche, dans une transe de plus en plus profonde. Tu sens soi-même le corps un peu plus lourd. Ces sensations si typiques du bien-être de l'hypnose que vous ressentez et qui vous sont particulières s'intensifient à leur rythme. La respiration plus lente, le corps certainement plus engourdi, peut-être plus lourd. Vous descendez marche après marche vers cette porte et l'entrée dans une transe profonde. Vous descendez encore. L'inconscient ne peut s'empêcher de rêver à ce que sera cette plage si magnifique, qui marquera le début du rêve, d'une aventure, d'une expérience profondément joyeuse, qui nourrira, qui irriguera vos rêves de la nuit. Marche après marche, vous entrez de plus en plus en vous-même et vous sentez cette intériorisation, cette transe de plus en plus manifeste, et vous savez que de fois en fois, ces expériences déjà si belles, si profondes et si agréables le deviendront encore davantage, encore plus en transe, encore plus dans le rêve de l'inconscient, de l'hypnose. Vous descendez marche après marche, calme, sereine. Vous plongez en vous-même, de plus en plus dans le sommeil de l'hypnose et les rêves de l'hypnose. Alors, si vous êtes déjà arrivé, je vous invite à ouvrir la porte et à vous laisser surprendre par ce que votre inconscient a peint pour vous. Les sons, les sensations vont se préciser. Imaginons une plage de rêve, ou plutôt laissons l'inconscient l'imaginer pour nous. Observons sur la mer. Et si ce sont d'abord les sensations physiques qui s'expriment, vous pouvez ressentir le contact du sable contre les pieds, peut-être ressentir le vent contre le visage, ce petit goût salé du vent, cette humidité, comme la caresse de l'air et la caresse de la mer. Et de laisser le poids du jour disparaître par cette beauté si grande qu'elle en saisit l'esprit, le corps, l'âme. C'est un lieu de refuge, c'est un lieu de quiétude. Il vous suffira, dans le monde de l'éveil, il vous suffira d'y repenser pour retrouver et les sensations de l'hypnose et surtout cette merveilleuse sécurité. Quand vous aurez envie de dormir, bien sûr, le plus simple sera de refaire cette séance, mais vous pourrez aussi refaire ce trajet, descendre les marches, ouvrir la porte, trouver la plage, vous laisser bercer par les bruits, le bruit tout aussi hypnotique que de la lumière sur les vagues. Ce miroitement, le bruit des vagues donc, et peut-être des oiseaux marins, des mouettes, des goélands. Pour respiration, celle du corps laissée loin là-bas, en train de s'endormir à son rythme, d'une respiration profonde. Et les images, les couleurs surtout, cette lumière si particulière, la douceur des ombres. du corps. Libéré de toutes ces chaînes. Calme. Si douce. Si calme. C'est un moment de calme, de recueillement. Mais ce n'est que le début du voyage. À vous diriger vers la mer, virer sous l'eau. C'est la beauté des rêves, c'est la beauté de l'hypnose. Et l'eau pourra être la plus douce, la plus agréable, vivifiante comme vous le souhaitez, et la plupart des religions, l'eau, une idée de purification, de recueillement. C'est comme si on se lavait de quelque chose. C'est le lieu des symboles, le lieu des symboles qui prennent vie et qui nous transforment, le lieu initiatique du changement intérieur. Alors cette eau, vous sentez avec elle un état nouveau de bien-être, de calme, de liberté. Dimension vers le haut, le bas. L'une des raisons pour lesquelles l'eau est associée à la sensation de liberté. Et l'essentiel du rêve de voler. On est bien. Je vous invite simplement à marcher sur le sol et à vous diriger vers. Et plus vous allez marcher sous l'eau, en vous laissant bien sûr séduire, enchanter, passer par ces créatures gracieuses autour de vous, tout est dense sous l'océan, sous la mer. Tout est grâce, pureté, liberté, joie, élégance, tout est facile. Observez le miroitement des écailles, les formes qui se créent, comme des tests de Rorschach, mais qui créent en nous, comme les nuages, une envie de rêver. Ondule et passion, algue presque, et rêver aux rencontres prochaines. Et plus vous avancez, plus la transe est profonde, le sommeil sera profond et récupérateur aussi. Vous le sentirez dès demain et de plus en plus, de nuit en nuit. Et chaque voyage comme cela, chaque voyage sous-marin dans ce monde merveilleux du silence, merveilleux même si bien sûr vous pourrez aussi faire les mêmes rencontres et retrouver de rêves. Prendre par les paysages sous-marins, les poissons clowns, peut-être. Peut-être des dauphins. Peut-être même, eh bien, ce vol gracieux, impressionnant, saisissant, celui des baleines, leur chant infiniment grave et doux. Peut-être simplement des tortues ou des poissons multicolores. Et pourquoi pas des crabes, des langoustes, des crevettes. Et tout est possible. Mais observez comme cet univers sous-marin, ce rêve hypnotique, façonne le calme, façonne l'état intérieur dans lequel vous baignez. Sentez encore de falaise, vous pouvez sauter et aller encore plus loin. Une cité sous-marine merveilleuse et éclairée par des algues fluorescentes. Traversée aussi de poissons phosphorescents. Belle cité, sur des chars traînés par des dauphins. Prendrait-on simplement le temps de vivre et de marcher, le temps de regarder, le temps d'échanger? À quoi ressemblerait une cité aussi merveilleuse que l'Atlantide? Et sous les eaux, là-bas, peut-être de grands dômes, certains remplis d'eau, d'autres remplis d'air, mais certainement partout de lumière, lieux principaux. Votre inconscient est en train de bâtir pour vous dans ce rêve fait d'images, de sons, de sensations. Y aura-t-il un palais merveilleux, un palais de verre, un palais resplendissant, scintoyant, qui scintille, scintillant comme cela, comme un diamant sous les eaux? Peut-être des temples anciens, peut-être les vestiges d'une ancienne civilisation, ou bien peut-être des statues, la partie engloutie d'Alexandrie, une ancienne bibliothèque remplie de livres précieux, de livres de magie, de savoirs anciens, usables. Le créer pour vous, pour que vous puissiez non seulement vous y mouvoir et ainsi créer une joie des images qui infuseront soir, alors ce sont peut-être les images qui se manifesteront en premier. Peut-être l'ange inné de films, la lecture de livres, un mélange de Jules Verne, de comics américains, votre fantaisie, votre créativité. Visible créativité de votre inconscient. Expérience totale. Alors peut-être cela sera-t-il des images. Heureusement par ces algues, ces animaux, ces temples, ces bâtiments. L'image, très loin, très très loin en haut, tillante, que vous êtes ici. Mais peut-être, autre sensation, l'impression d'être porté par le rêve, une impression de liberté. Dans la douceur d'un rêve, le corps s'endort. Des animaux, des sirènes, des tritons, peut-être, venant d'autres séances d'hypnose, d'autres rêves, pourquoi pas, dont vous pourrez entendre les voix, peut-être même les chants, les musiques, sous l'eau. L'architecture, l'art, les écoles, les bibliothèques, les lieux de loisirs, les sens. À votre esprit inconscient, et à partir de maintenant, ma voix va simplement servir à maintenir le rêve, à approfondir le sommeil, les rêves de la nuit. Jean qui va prendre la suite et peindre le plus beau des rêves dans la cité. Sous-marine la plus merveilleuse, la plus mystérieuse, celle dont vous avez actuellement besoin. De votre réalité intérieure et des rêves aussi. Et ensuite, le plus beau des voyages, un voyage de liberté sans limite. Alors, bien sûr, à certains moments, à votre inconscient, pour vous faire vivre encore davantage ce rêve, pour créer, vous surprendre, vous bercer. Le corps, lui, est très loin maintenant, très très loin. La respiration, si lente qu'elle est déjà la respiration d'un dormeur. Dors. Prie rêve. Alors, d'autres expériences, d'autres sons, d'autres sensations, d'autres ressentis. Et pour vous, quand votre esprit et les rêves à naître, alors bien sûr, à certains moments, comme des filaments de rêves se créent. Sommeil. Trompons pas, nous sommes déjà à la lisière du sommeil de la nuit, dans la plus belle des zones crépusculaires. Ne parle-t-on pas pour l'air de zone de minuit? Eh bien là, vous êtes dans la zone crépusculaire du sommeil et du rêve. De l'esprit libre qui rêve s'endort de plus en plus comme une douce musique berçant le corps en les muscles, larguant les amarres de l'esprit qui rêve toujours davantage, qui rêve toujours plus loin. rêve de changement. Indre. Cette cité qui s'installe toujours davantage.